Bonjour à tous. Bon, je vais vous parler de quelque chose qui va être excessivement difficile, à savoir de philosophie politique. Et non seulement de philosophie politique, mais d'une philosophie politique bâtie sur une critique radicale, à la fois de l'historiographie telle qu'elle est aujourd'hui officiellement enseignée dans les universités, sur une critique de l'économie politique marxienne qui est développée notamment par ce qu'on appelle la verte critique, c'est-à-dire la critique de la valeur, et Anselm Japp qui est venu parler ici il y a une dizaine de jours, une critique de la psychanalyse, mais en se servant de la psychanalyse, et aussi une critique de ce que j'appelle, mais je ne suis pas le seul à l'appeler comme ça, le mode de connaissance. Pour vous rassurer, deux choses. J'ai tiré à une centaine d'exemplaires deux pages denses sur cette approche, sur cette philosophie politique. Et d'autre part, vous pouvez retrouver des textes et des enregistrements sur le site de la bibliothèque associative de Malakoff. Il suffit d'aller dans l'onglet séminaire. Donc là, dans cet onglet, vous pourrez retrouver à la fois des textes et des enregistrements. Donc je vais commencer par l'histoire, et plus exactement l'histoire du capitalisme. Voilà. Il y a une histoire qui s'écrit dans tous les manuels et qui s'enseigne à l'université et qui, concernant le capitalisme, nous dit qu'il y a eu trois révolutions fin du XVIIIe siècle en Occident. La révolution industrielle, la révolution politique et la révolution scientifique. Et de ça, ensuite, on nous parle en nous disant que petit à petit, l'industrie textile s'est étendue en Europe à partir des années 1820, qu'ensuite, le chemin de fer s'est construit un peu partout, toujours en Europe et aussi aux États-Unis. Et que petit à petit, le monde s'est industrialisé. Ce qu'on oublie de dire, c'est que ces trois révolutions, en fait, ont installé un bouleversement social, politique, historique, linguistique, bref, un bouleversement de toutes les formes de vie et d'être au monde. Et en fait, ce qui s'installe à cette époque, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond et beaucoup plus fondamental que ce qu'on appelle dans les manuels d'histoire la Renaissance du XVIe siècle en Occident. Beaucoup plus fondamental parce que il s'agit là d'une remise en cause de tout ce qui faisait la vie économique, politique, culturelle et quotidienne des peuples européens. Et dans cette histoire, il y a des dates qu'il est important de retenir, enfin des dates, plus exactement des ruptures, c'est-à-dire qu'on peut dire que environ vers 1850, en Occident, il se produit ce qu'on peut appeler une triple alliance entre les sciences ou le mode de connaissance scientifique, les industries, l'industrie capitaliste, et la formation des États-nations modernes. Revenons sur chacun de ces termes. Le mode de connaissance scientifique, ou ce qu'on appelle d'habitude les sciences, en fait, c'est quelque chose qui, fondamentalement, est posée par Copernic, Galilée, Tycho Brahe, Giordano Bruno, etc., vers 1600, c'est-à-dire au début du XVIIe siècle, et qui, dans ses fondements, écarte ce qu'on peut appeler le sensible, c'est-à-dire qu'à ce moment-là se fonde la physique, qui se base essentiellement sur la forme, sur le mouvement, et puis plus tard sur la vitesse, quand on sera capable de mesurer avec précision le temps. Et ensuite, début du 19e siècle, ça met du temps, début du 19e siècle, se met en place la preuve expérimentale, et vers 1850-1860 vient ce qu'on peut appeler l'effitimation des hypothèses scientifiques par les pairs, c'est-à-dire par les autres scientifiques, à travers des congrès internationaux qui commencent vers 1858-59. Et donc on peut dire qu'à ce moment-là, vers 1850-60, excusez-moi, le mode de connaissance scientifique, qui aura mis à peu près 2 siècles et demi à le faire, se cristallise en tant que mode de connaissance scientifique, ou en tant que science, si vous voulez, telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est très important de garder ça à l'esprit. En même temps, le capitalisme que Alain Gras, par exemple, appelle le capitalisme thermo-industriel, qui construit de grandes fabriques et qui, en fait, est une grande fabrique à prolétaires. Pourquoi Alain Gras parle de thermo-industriel ? Parce que c'est à peu près à cette époque-là aussi, vers 1850, que ce qu'on appelle aujourd'hui les énergies renouvelables, c'est-à-dire le vent, l'eau et puis la traction animale, sont dépassées par l'usage du charbon, c'est-à-dire par les énergies non renouvelables ou les énergies, comme on dirait aujourd'hui, fossiles. Et donc, la force qui va être utilisée de plus en plus dans ces grandes fabriques, ça va être le charbon et la machine à vapeur. Et c'est à peu près vers 1850... C'est à peu près vers 1850 que l'usage de ces formes d'énergie se croise, si on en fait des courbes. Et c'est un peu après que tous les process industriels qui vont se mettre en place dans les grandes fabriques vont dépasser en rapidité et en précision tout ce que pouvait faire la main de l'homme. Et enfin, le troisième terme, c'est-à-dire les États-nations modernes, ben c'est à peu près à cette époque-là qu'ils se construisent et qu'ils se mettent en place, à travers une mythologie, des grands récits qui ont perduré jusqu'à il n'y a pas longtemps, qui visent à croire que le peuple français a existé de toute éternité, même du temps des Gaulois. Et donc, il y a là cette triple alliance qui se met en place et il y a une telle, synergie qui se produit entre les sciences, le capitalisme industriel et les États-nations modernes qu'on assiste à quoi ? On assiste d'abord, par exemple, aux expositions universelles qui commencent aussi à peu près à cette époque-là, vers 1855, et qui magnifie la nouvelle industrie, qui magnifie les nouvelles techniques et qui magnifie les sciences. Mais ces expositions universelles n'auraient pas pu exister sans les États. Seuls les États ont la capacité de mettre sur pied ces grandes expositions universelles. Et de même, il se cristallise à ce moment-là ce qu'aujourd'hui on appellerait des ingénieries sociales. C'est-à-dire que début du 19e siècle se met en place, l'hygiénisme. Je ne peux pas rentrer dans les détails. des formes d'ingénierie sociale qui visent à gérer les populations de manière scientifique, entre guillemets, mais sur lesquelles les États mettent la main, en quelque sorte. Et qui finira, ces formes d'ingénierie sociale, finiront par ce qui a été ensuite appelé l'eugénisme. Alors l'eugénisme, c'est le gros secret de famille du capitalisme et de l'Occident, dans le sens où cet eugénisme, le fond de cet eugénisme, c'est en fait quoi ? C'est très très important à comprendre le fond de l'eugénisme, c'est la possibilité donnée aux États de transgresser les tabous du meurtre au nom de la science. Alors, je vais revenir là-dessus. L'eugénisme sont des mouvements de masse aux États-Unis, en Allemagne et dans les pays d'Europe du Nord. Et dans un premier temps, ça vise à sélectionner les personnes de façon à avoir une race pure. Chose qui ensuite, dans les années 30, viendra sur le devant de la scène politique avec le nazisme. Mais cet eugénisme-là, ce dont il faut être bien conscient, c'est la chose suivante, c'est que dans toute société, dans toute civilisation, dans toute culture, il y a ce qu'on appelle en psychanalyse des tabous fondateurs. C'est-à-dire que par exemple, le tabou ou l'interdit du meurtre, c'est à la base de toute vie en société. S'il n'y a pas cet interdit du meurtre, il est impossible de vivre ensemble. Donc c'est ce qu'on appelle un interdit fondateur ou un tabou fondateur. Et en fait, ce qui inaugure cet eugénisme qui vient du darwinisme social, ce qui inaugure cet eugénisme, c'est cette transgression du tabou du meurtre qui va être mis en expérimentation, si on peut dire, par l'Allemagne en Namibie, c'est-à-dire dans le sud-ouest de l'Afrique, et qui va conduire au premier camp de concentration dans lequel les Herero et les Nama vont être exterminés à partir de 1904, et sur lesquels Mengele, le docteur Mengele qu'on retrouvera par la suite à Auschwitz, va faire des expériences soi-disant médicales et envoyer les crânes pour faire des mensurations et des statistiques au Wilhelm Institut de Berlin. Et d'ailleurs, dans ces camps de concentration où les Herero et les Nama sont exterminés, il y a aussi le père d'un haut dignitaire nazi dont le nom m'échappe maintenant. Ça va me revenir. Donc, il y a une espèce de tournant au début du XXe siècle qui ouvre la porte, en fait, à l'avenir, en quelque sorte, de ce XXe siècle, c'est-à-dire ce qu'un historien... Je vais en prendre encore 10 minutes parce que bon. Ce qu'un historien, Eric Hobsbawm, a appelé la guerre de 30 ans, c'est-à-dire une guerre qui commence en 1914 et qui se termine en 1945 en passant par ce qu'on a appelé la Grande Dépression des années 30. Je voudrais insister sur ce fait que, donc, au début du XXe siècle, à travers l'eugénisme, qui est un mouvement de masse qui est porté par les scientifiques et par les médecins, eh bien, toute l'idéologie qui sera ensuite utilisée par les nazis est déjà présente. Cette idéologie-là est présente 30 ans avant l'arrivée des nazis. C'était, pour terminer sur l'histoire de l'Occident, on pourrait dire qu'entre 1850 et 1940, en 1945 plus exactement, il se produit à la fois ce qu'on peut appeler Auschwitz et Hiroshima, c'est-à-dire deux crimes contre l'humanité, dont le dernier, Hiroshima, se double d'un écocide qui perdure aujourd'hui. Donc, ça amène à réfléchir sur le fait, mais pourquoi donc ? C'est précisément à la fin de cette Deuxième Guerre mondiale que ces deux crimes contre l'humanité se produisent. Et qu'est-ce que ça signifie ? En fait, ça signifie que ce qui était inauguré à partir de 1850, c'est-à-dire l'établissement du capitalisme thermo-industriel, s'est installé de manière majoritaire en Occident. C'est-à-dire que les sociétés qui existaient auparavant sont devenues extrêmement majoritairement structurées par le capitalisme à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire vers 1900. Et c'est exactement à ce moment-là que ceux qui fondent la vie en société, c'est-à-dire l'interdit du meurtre, entre autres choses, le tabou du meurtre, est remis en cause avec l'aval du mode de connaissance scientifique. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'à ce moment-là, ça ouvre un tapis rouge à la mort, bien évidemment. Ce qui va déboucher sur ce qu'on a appelé par la suite la guerre industrielle et totale de 1914-1918, puis ensuite sur cette nouveauté qui se produit en Occident, c'est-à-dire ces crimes contre l'humanité. Voilà, j'en ai terminé sur la première partie, c'est-à-dire sur l'histoire, mais en fait, cette philosophie politique ne peut se comprendre que si on a aussi un regard critique sur ce qui constitue aujourd'hui intrinsèquement le corpus des sciences, la démarche des sciences, une critique aussi de ce qu'est le capitalisme, parce que ça c'est capital, il y a là, enfin, pour le dire très rapidement, il y a là une identité de structure sur laquelle je reviendrai, une identité de structure entre le corpus scientifique et ce qu'est le capitalisme. Et pour terminer, cette nouvelle approche de philosophie politique, ça s'appuie aussi sur une vision critique de Freud, et notamment sur ses écrits de 1920, c'est-à-dire Le principe du plaisir, dans lequel il forge la notion de pulsion de mort qui ne tient absolument pas la route. Voilà, merci, à tout à l'heure. Alors maintenant le débat est ouvert, si vous avez des questions, des remarques, oui. Je vous invite vraiment à vous avancer parce qu'on a quand même un fil qui est long, mais puis vous entendrez mieux si vous êtes plus près. Bonjour. Alors je m'adresse, c'est bon pour la coller serré. Alors, je m'adresse spécialement à monsieur. Bonjour, monsieur. Je crois, je répète ce que, donc c'est pas très argumenté, mais je crois que vous avez fait à peu près la même chose. Donc, on va dire que il y a un biologiste et historien des sciences qui est encore en vie aujourd'hui, qui s'appelle André Pichot, P-I-C-H-O-T, et qui, en dehors de son travail qui porte proprement sur la biologie, a fait un travail donc d'historien des sciences, qui est un travail extrêmement critique, et qui, dans son travail, tente d'attaquer l'idée selon laquelle on peut faire une généalogie entre hygiénisme social et eugénisme, et il défend la thèse, je suis vraiment en train de répéter, hein, je suis désolé de la forme que ça prend, mais il défend la thèse que précisément l'hygiénisme social, c'est s'appuyer sur des connaissances en microbiologie pour dire voilà comment faut se laver les mains pour éviter que tous tes gosses y crèvent, étant donné que tes gosses ils sont fils d'ouvriers et qu'ils n'ont pas des moyens pour se laver correctement. Et ça a apporté un surplus de vie et de santé à tout un tas de gens qui n'avaient pas accès. Et ça s'appuie sur des réelles connaissances scientifiques, à savoir la reproduction des bacilles. Contrairement à l'eugénisme, qui, vous avez parlé monsieur de mesurer les crânes et tout ça, qui s'appuie sur un corpus pseudo-scientifique qu'on appelle la phrénologie, qui consiste à dire bon, t'as les yeux serrés, t'es con, t'as les yeux écartés, ça va, t'as un crâne avancé. Donc ce sur quoi je voudrais répondre, c'est il faut arrêter de mentir aux gens et de leur dire c'est la science qui a amené ça. C'est des conneries. Que la science, elle soit aux mains de tel ou tel pouvoir, c'est une chose. Mais dites pas aux gens que c'est de la science de mesurer le crâne des gens et de dire « Ah ouais, toi, tu vas faire tel travail, toi, non. » Par contre, ce qui est de la science, c'est de regarder comment les microbes se reproduisent et de dire « Voilà, on a un moyen pour empêcher la reproduction des microbes et ça s'appelle le savon. » Et on va mettre ça dans les mains des gens. Et ça s'appelle l'hygiénisme social. Et c'est le produit d'un scientifique français qu'on appelle Pasteur, alors que l'eugénisme, c'est le produit du cousin de Darwin qui s'appelle Galton, qui a emmené ça aux États-Unis, et ça repose pas sur des conceptions scientifiques liées à la mesure, l'observation, la critique, etc. Donc il faut vraiment, enfin je vous le dis à vous, allez lire André Pichot, faites-vous votre propre idée, mais il faut arrêter d'incriminer la science à chaque fois. Certes, la science, elle peut être du côté des vilains, et en l'occurrence, aujourd'hui, elle est du côté du capitalisme, mais c'est pas de la science, c'est un discours de propagande qui n'apporte pas de preuves, qui ne repose pas sur des théorèmes, et qui a juste les apparences de la science, mais qui n'en est pas. Voilà, c'était juste pour sauver un petit peu la science qui... voilà. Hygiénisme social n'est pas égal à eugénisme, c'est précisément l'inverse. Voilà, merci. Vous voulez répondre voilà. Tout de suite ou... Mais on peut prendre plusieurs questions et... On peut prendre plusieurs questions, allez-y. Mais j'ai pas écouté, j'ai entendu les merci et c'est tout. Bon, au sujet de ce que je viens d'entendre, les débats entre science et non-science, que c'est un débat, me semble, du passé, puisque la philosophie, disons, intellectuelle et la science matérielle, pour abréger, convergent toujours plus. Et donc, j'ai une question, mais peut-être que ce n'est pas d'opportunité, c'est pas dans, si l'âme est matérielle ou si la matière a une âme, c'est tout. Mais on peut répondre même privatement, disons, ça n'a pas d'importance, mais il me semble que c'est un thème assez lourd et d'avenir. Voilà. Merci, messieurs. Il va peut-être falloir que vous avanciez un peu. Bonjour à tous. Bah, je voulais juste vous dire, l'eugénisme, pour moi, ça vient pas du capitalisme. L'eugénisme racial, il est nazi, on est d'accord. Mais chez Staline et chez Mao, il y avait une autre sorte d'eugénisme, c'était un eugénisme social. C'est important de le signaler. Et donc non, les racines de l'eugénisme sont, à mon sens, pas le capitalisme, mais plus la République, vu que c'est elle qui organise la société par la raison. Voilà, j'attends votre réponse là-dessus. J'ai pas réponse à tout. Loin de là. Par contre, je peux dire que j'ai lu André Pichot et je connais assez bien André Pichot et je suis en lien avec lui. Donc j'ai lu attentivement ses livres. Je me suis simplement, par exemple, dans un de ses livres qui s'intitule « De Darwin à Hitler, la société pure », je me suis simplement contenté, grâce à la psychanalyse, de pousser juste un tout petit peu ses conclusions. Mais il faut en revenir à le nœud le plus dur aujourd'hui pour faire basculer les choses, y compris dans la bagarre contre la loi El Khomri, c'est la question de l'imaginaire. C'est-à-dire, par exemple, en mai 68, quand la société était totalement bloquée, quand il n'y avait plus d'essence, quand il n'y avait plus de télévision, quand il n'y avait plus de commerce, quand il n'y avait plus de circulation, etc., etc., à ce moment-là, tous les habitants du pays ne pouvaient plus vivre comme avant. Donc, à partir du moment où tout est bloqué, à ce moment-là, l'imaginaire ancien peut commencer à basculer, mais il faut que les gens soient sortis de leur cadre quotidien et habituel. C'est pour ça que tout bloqué, ce n'est pas une condition suffisante pour gagner, mais c'est une condition nécessaire. Parce que c'est ça qui permet le basculement de l'imaginaire si on veut aller plus loin que de faire reculer le gouvernement sur la loi El Khomri. Pourquoi je parle de ça ? Parce que aujourd'hui, l'imaginaire de vous, de moi, de tout le monde, c'est pas l'imaginaire des hommes et des femmes du Moyen-Âge qui était complètement structuré par Dieu, quel qu'il soit, quelque religion que ça soit, bien que ça existe encore, bien évidemment. Mais ce qui structure aujourd'hui majoritairement nos imaginaires, c'est ce que j'appelle la rationalité calculatrice. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à chaque moment de notre vie, même dans la vie amoureuse, dans la vie amicale et dans la vie professionnelle, on calcule tout. Tout est calculé. Aussi bien vous que moi, nous calculons absolument tout. C'est pour ça d'ailleurs qu'il existe des sites de rencontres comme Mythic, parce que ceux qui vont sur Mythic pensent que grâce au big data et grâce aux statistiques, c'est-à-dire au calcul, ils vont avoir une meilleure chance de rencontrer l'âme sœur. Ce qu'ils oublient, c'est que la question de la rencontre et de la surprise est fondamentale dans une rencontre. Mais bon, passons sur ce détail. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, et ça, les poètes l'ont déjà dit avant moi, Jacques Brel, il disait « On ne pense pas à monsieur dans cette famille. On ne pense pas à monsieur. On compte. » C'est une vieille chanson de Jacques Brel des années 60. Mais c'est exactement ça, parce que les poètes et les artistes, en général, et surtout dans les périodes troublées comme celle dans laquelle nous sommes, sont en avant par rapport aux intellectuels. Ils sentent les choses mieux. Alors pourquoi je parle de cette question de l'imaginaire, de notre imaginaire, du vôtre et du mien, qui est structuré par la rationalité calculatrice ? Parce que dans cette histoire, le capitalisme et la science, ou le mode de connaissance scientifique, ont une responsabilité majeure. J'explique. Je vais tenter d'expliquer. Encore une fois, je ne le distribue pas maintenant parce que je saurais que tout le monde se plongerait dans la lecture, mais j'ai amené une centaine de feuilles, enfin, de feuilles, de flyers ou de tracts, comme on voudra, pour expliquer ça. Donc, cet imaginaire, pourquoi il est structuré par une rationalité calculatrice ? Pourquoi on compte toujours ? Parce que, si on voulait résumer ce qui est au fond le capitalisme, et par exemple, quand on voyage en Afrique ou en Asie, on se rend bien compte, par exemple, que l'imaginaire dans certains pays d'Afrique n'a pas été structuré par le capitalisme. Ça rend fou les Européens, d'ailleurs. Les patrons européens qui veulent travailler en Afrique ou en Asie, ça les rend fous parce qu'ils ont un rendez-vous, les gens doivent normalement venir à 8 heures travailler, ils sont pas là parce qu'il y a une fête et la fête va durer 3 jours. Donc ils ont pas du tout la même, ils ont pas du tout le même habitus, comme dirait Bourdieu. Ils ont pas intégré la temporalité et la spatialité que nous avons intégrée ici depuis plusieurs siècles à travers le capitalisme. Je veux dire par là, c'est que si on voulait résumer ce qu'est le capitalisme, on pourrait dire la chose suivante. Le capitalisme, au fond, c'est quoi ? Ça serait la valorisation de la valeur. Ça peut paraître bizarre comme expression, mais ça veut dire quoi ? C'est que la seule chose qui importe au capitalisme, c'est de transformer 100 euros en 120 euros. Donc ça s'appelle ça, la valorisation de la valeur. Ça veut dire que c'est quelque chose d'abstrait. Et on voit bien, depuis la fin des années 70, comme le surprofit n'était pas suffisant dans l'industrie traditionnelle, eh ben, il s'est créé ce que dans le langage habituel on appelle la finance, ce qui en termes théoriques s'appelle le capital fictif, qui lui permet à travers les actionnaires d'exiger de n'importe quelle entreprise, non pas 4 ou 5% de rentabilité, mais 10, 15, 20%, parfois plus. Les fonds de pension, c'est comme ça que ça marche. Donc, je répète, si on voulait caractériser au fond ce qu'est vraiment le capitalisme, c'est valorisation de la valeur et faire de toute chose, y compris du vivant, de vous et de moi, des variables d'ajustement dans ce processus-là. Eh bien, la science et le mode de connaissance scientifique, ça n'est rien d'autre, l'objet de la science, ça n'est rien d'autre que la mesure du réel ou la détermination de mesure ou de relation plus exactement dans ces différentes parties du réel. Je répète, l'objet de la science, c'est de faire une mesure du réel ou d'établir des relations commensurables dans ce réel. Et ce faisant, tout ce qui est de l'ordre du sensible et du vivant est évacué, obligatoirement évacué. C'est l'acte de naissance même de la physique. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas ce qu'est le mode de connaissance scientifique à sa base. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut jeter de la science. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis ingénieur de formation, donc j'espère qu'on m'évite cette idée du café de commerce. On aura besoin de la science encore longtemps. Par exemple, comme on aura besoin des gens qui ont un grand savoir du nucléaire. Parce que même si on arrête, ce que je souhaite, toutes les centrales nucléaires du monde, on le voit bien à Tchernobyl et à Fukushima, il sera nécessaire que des milliers de personnes restent encore dans les centrales parce que ça ne s'arrête pas du jour au lendemain. Donc on aura besoin, tout comme, par exemple, à travers les perturbateurs endocriniens, les OGM, les pesticides, etc., etc., on aura besoin de la science pour combattre ce que la science a mis sur le marché. Parce que qui a mis, d'où viennent ces nouvelles molécules si ce n'est pas d'un savoir intime de la matière, c'est-à-dire de la science. Et je voudrais encore plus appuyer là-dessus en disant que l'échec du mouvement antinucléaire depuis 40 ans, il est attribuable à plusieurs facteurs, mais notamment à un facteur, c'est qu'ils n'ont pas intégré le fait que, à travers la relativité, E égale MC2, et à travers la physique des particules, le nucléaire, c'est le fils aîné de la science du XXe siècle. Je répète, à travers la relativité, la physique des particules, le nucléaire, c'est le fils aîné de la science du XXe siècle. C'est précis, et j'ai jusqu'à présent pas été démenti sur ces questions. C'est pour dire, en fait, qu'il y a une sorte d'identité de structure entre le cœur de ce qui fait la science, c'est-à-dire déterminer des mesures ou des relations commensurables dans le réel, et de l'autre côté, le capitalisme. Je ne dis pas que c'est le capitalisme qui a produit la science ou la science qui a produit le capitalisme. J'espère qu'on me fait le crédit de ne pas avoir cette pensée simpliste. Je termine. Mais il y a donc cette identité de structure. Il y a une identité de structure entre, d'un côté, le cœur de la science et de l'autre côté, le cœur du capitalisme, qui est ni plus ni moins que d'établir des relations commensurables de façon à transformer 100 euros en 120 euros et à réduire tout ce qui est vivant, et même le minéral et l'animal, évidemment, en variable d'ajustement. Exactement de la même manière que la science tente de réduire le réel à quelque chose qui est de l'ordre de la variable d'ajustement. On va prendre d'autres questions ou des remarques. Hein, ça peut être aussi des personnes. Oh, je vais juste prendre d'abord peut-être ceux qui ne sont pas intervenus et puis après. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de la physique quantique et plus spécifiquement de l'intention, c'est-à-dire de la force de la pensée à créer quelque chose? Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des remarques? Oui. C'est au sujet de cette loi El Khomri, qui en réalité n'a pas été portée par la ministre de l'Emploi, mais qui a été pilotée plus par le Premier ministre Manuel Valls, avec le soutien du président. Donc pour le moment, il y a un danger quand même qui est relativement grave. Donc le gouvernement a usé de la voie d'exception pour faire passer le projet de loi. Donc ce projet de loi va être soumis au Sénat pour amendement. Il risque de revenir au Palais Bourbon. Donc j'étais en train de réfléchir dessus. Donc c'est au niveau de l'application de cette loi. Donc est-ce que on risque d'être confronté de la même situation qu'en Allemagne, où vous avez 10 millions de personnes qui sont payées à 4 euros de l'heure, ou au Royaume-Uni, où vous avez un libéralisme ultra sauvage, où c'est toujours au moins 10 ans au niveau salaire. Donc je répète qu'on est sur un thème particulier de l'intervention, donc si les remarques et les questions peuvent rester autour de ce thème. Du coup, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite intervenir? Oui, après je vous le donne. Il y avait quelqu'un? Non? Bonjour, ben, moi je suis un peu perdu entre le lien de la science et du capitalisme. Par exemple, je me dis, ben, c'est vrai que la construction du train aux États-Unis a fait beaucoup de souffrance hein, par rapport aux Chinois immigrés là-bas, tout ça, mais en même temps, c'est ce qui a permis de découvrir l'espace-temps. Quand, vous voyez, donc, comment, je pense pas, quand ils ont appelé Einstein, grâce au fuseau horaire, tout ça, le problème que ça a posé, le départ et l'arrivée des trains, et grâce à ça, il en arrive à l'espace-temps. Je pense pas que lui, il allait dire, ouais, ça va, tentative à faire des choses à l'humanité, le capitalisme. Ou je pense pas que monsieur Hubble, quand il regardait les étoiles céphoïdes d'Andromède, je pense pas qu'il pensait au capitalisme, le mec, quand il faisait ça. C'est pour ça, moi, je suis un peu perdu entre le lien du capitalisme et de la science. Bon, le monde, hein, je me présente en tant qu'Ulysse. Pseudonyme, et je reprends les arguments pour revenir dans les thèmes, qui est un très bon exemple. Les 100 euros plus 20 euros, 120 euros. C'est bon, c'est bien, c'est du concret, mais on brûle les 100 euros, ça vaut rien, les 100 euros, c'est rien, zéro. On ajoute les 20 euros, c'est rien, c'est zéro. Vous brûlez, vous êtes même hors de la loi, on ne brûle pas l'argent. Voilà, c'est ça le capitalisme, je ne pense pas. Et le capitalisme, c'est un défaut de l'homme. Il existe depuis le temps des temps. Je crois, je suis un ignorant quand même, je connais pas, j'ai pas culture libresque des livres, disons, et je revendique mon ignorance. Néanmoins, j'ai un écho d'un certain Tobia, hein, qui a envoyé son fils avec une lettre, la première lettre d'échange, hein, et c'était basé sur la confiance et non pas sur la méfiance. Sur la méfiance, avec la méfiance, il serait jamais arrivé au capitalisme. Le capitalisme est un phénomène d'escroquerie à l'autre, puisqu'il y a d'un côté un méfiant qui se méfie de tout et qui prend la sécurité, l'assurance, les risques et tout, et de l'autre celui qui se confie et fait confiance à l'autre et il se fait avoir pour parler légalement. Voilà. Donc là, nous sommes hors de la réalité. J'ai vous en prie, je vous donne un conseil, je me trompe en disant vous, parce que nous sommes nous ensemble tous, hein, mais méfions-nous, soyons concrets. Hein. Et les problèmes aujourd'hui, depuis la naissance de la pensée et de la philosophie, c'est qu'on tombe sur une dichotomie, hein, d'opposition entre esprit et matière, hein, qui amène à rien. Soyons concrets, le chômage, c'est un fait concret. Ceux qui ne travaillent pas ont une expérience, ceux qui ont été mis à pied ont une expérience, ceux qui sont exclus de ce qui ont droit, c'est-à-dire le droit à se construire, c'est un droit de l'homme de se construire, et pour être significatif, avoir un sens, et je reviens au bon sens dont on parlait peut-être tout à l'heure, che s'il est bon, il est bon, et s'il est mauvais, il est mauvais, et qu'il ne faut pas dire que le bon sens est mauvais, hein, soyons précis, et l'exclure de cette façon-là, c'est exclure et détruire les liens sociaux. Le capitalisme, à travers la monnaie, à travers l'argent, à travers les calculs, qui en principe c'est le jeu des billes, hein, crée des valeurs, des super-valeurs vides de sens. La volonté sociale. L'individu, pour vivre, pour exister, a besoin de la société et réciproquement. Sans lien social, vous cassez l'unité et vous créez d'un côté désassisté et de l'autre un capitalisme des pauvres gens, parce que ce sont des pauvres gens qui sont riches de rien. Voilà. Il faut retrouver les valeurs, les vraies, et qui sont en évolution et ne sont pas toutes les mêmes. Les valeurs, c'est la morale, que on verra ça une autre fois, parce que je vais rendre la parole, excusez-moi, et bon courage. Donc je vous donne la parole, et je pense qu'en plus, il peut y avoir un lien vraiment à faire entre ce que vient de dire monsieur, le capitalisme et la science, qui serait au niveau du sens, en effet. Que les énoncés scientifiques ne visent pas à produire du sens. Et voilà, donc je rebondis en plus pour rajouter ça. Ben oui, ça c'est très juste. Les énoncés scientifiques ne visent pas à produire du sens, aucun sens. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui est dit dans l'ordre, dans la sphère publique et même dans la sphère privée, dans le politique aussi, vous remarquerez que ceux qui veulent donner une crédibilité à leurs paroles finissent toujours, je dis bien toujours, par dire mais ça c'est scientifique. Toujours. En l'occurrence, la moitié du temps ils se trompent, parce que par exemple il s'agit très souvent de corrélation statistique, ce qui est autre chose qu'une preuve scientifique. Mais je voulais en profiter pour dire, puisqu'il y a eu une intervention sur le travail et sur la loi M'Connery, un regard critique sur l'économie politique, ça permet aussi, par exemple, de dire des choses sur la situation actuelle. C'est-à-dire, par exemple, le travail en tant que tel, c'est une catégorie qui n'existe pas depuis si longtemps que ça. Il y a quelques milliers d'années, il n'y avait pas de travail. Il n'y avait pas des activités aussi séparées que ça. Il n'y avait pas une heure à laquelle on devait aller au boulot et une heure à laquelle on devait sortir du boulot. Ça n'existait pas, cette séparation entre le travail et les autres activités qu'on qualifie maintenant de artistique, d'agriculture, etc. Donc le travail, comme ça n'a jamais été une valeur de toute éternité, aujourd'hui... Je termine. Donc le travail, ce qu'on pourrait dire, c'est que d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, ce sont des chercheurs d'Oxford qui disent, dans 20 ans, 50%, je me souviens plus, 60% des emplois qui existent aujourd'hui n'existeront plus. On pourrait dire même que le travail, en tant qu'institution et en tant que catégorie qui a été forgée par quelques siècles de capitalisme, peut-être n'existera plus dans quelque temps de ça. Alors, l'objection. C'était juste une petite objection sur le temps par rapport à... Il y a des milliers d'années, dans mes connaissances historiques, le monde était déjà divisé en classes, par exemple en Égypte antique ou que ce soit en Inde. C'est tout. C'était juste pour ça, mais votre... excusez-moi. En histoire, j'avais vu que le monde était toujours divisé en sectes et en classes. Il y avait toujours eu une force ouvrière et il y avait des chefs qui avaient des montants pharaoniques qui leur permettaient de vivre bien en étant obligés de prendre des décisions d'une manière médicale, en quelque sens. Des gens qui doivent prendre des choix, comme un chef de guerre qui doit dire à un moment on coupe ou on fait pas. Et c'était la seule manière de les payer. Et je vais dans le sens de... l'interlocuteur ou de monsieur, dans le sens que ça risque de changer, parce qu'on a des valeurs, on grandit en conscience. Mais c'était juste une reprise sur le temps. Oui, on peut discuter sur le nombre de milliers d'années, mais il est certain que c'est pas une catégorie, le travail, c'est pas une catégorie... Le travail, c'est pas une catégorie qui a existé de toute éternité, c'est tout ce que je voulais dire. C'est ça qui est important à retenir. Maintenant, sur une autre intervention qui parlait de la nature humaine. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Parce que vous appelez ça aujourd'hui travail. Le constructeur travaille, le fermier travaille. Ça n'existait pas en tant qu'activité, ce que je veux dire. C'est que ça n'existait pas en tant qu'activité séparée de tout le reste des activités humaines. C'est ça que je veux dire. Refermons la parenthèse. Une autre intervention a soulevé la question de la nature humaine, bonne, mauvaise, etc. Et une des critiques... Enfin, la psychanalyse nous apprend au moins deux ou trois choses. C'est que chacun de nous, on a un inconscient, et chacun de nous a des pulsions. Mais, vous voyez, même chez Freud, il y a des choses sur lesquelles il faut réfléchir. Par exemple... Quand il dit en 1920 qu'il y a une légion de mort chez l'être humain, eh bien ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument remettre en cause. Parce que ça signifie, si on pense ça, ça signifie qu'on forge une nature humaine qui a existé de tout temps. Or, même s'il existe des déterminants... et quelques structures, comme par exemple l'inconscient, les pulsions sexuelles chez l'être humain et depuis longtemps, pour pas dire de toute éternité, eh bien, la pulsion de mort qu'invente Freud à ce moment-là, c'est en fait, en utilisant son propre langage, on pourrait dire que c'est une condensation et un déplacement du traumatisme de la guerre de 14-18 dont il n'a pas compris l'origine. Et donc, à ce moment-là, il dit, il y a une pulsion de mort, mais en fait, ça, c'est quelque chose qui, quand vous examinez le texte, ne tient pas debout, et encore une fois, invite à forger quelque chose d'une nature humaine qui serait transhistorique, en quelque sorte, qui existerait à travers l'histoire. Or, je le dis, pour avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup voyagé en Afrique... L'imaginaire, et surtout il y a 40 ans par exemple, maintenant l'écart tend à se réduire, mais l'imaginaire, par exemple le capitalisme en Afrique, il a glissé comme l'eau de pluie sur les plumes d'un canard. Ça n'a pas marché, ça n'a pas pris. Alors bien sûr que le colonialisme a fait d'énormes dégâts dans les structures sociales en Afrique. Mais encore il y a 20 ans, 30 ans ou 40 ans, comme on voudra, il n'y avait pas cette intégration de la temporalité et de la spatialité propre au capitalisme. Et c'était et de mon point de vue, c'était une bonne chose, parce que c'est quelque chose qui nous limite. Quant à ce qui a été un moment évoqué, c'est-à-dire ce que le chemin de fer peut amener, dans la conscience de la spatialité et de la temporalité, bon, je dirais deux choses. C'est-à-dire, bon, par exemple, moi, j'étais un amoureux des chemins de fer, mais il y a 40 ans. Aujourd'hui, si je prends le TGV, ça ne me change pas de l'avion. Je veux dire, on ne voit rien et le paysage défile très rapidement. Et en plus, il faut se pencher dans ces espèces de lucarnes, que tout le charme qui consistait à voir la campagne environnante à partir du chemin de fer est perdu. Donc ce TGV-là, c'est encore une autre forme de rapport au temps et à l'espace. Mais... Par exemple, au 19e siècle, en fait, le chemin de fer, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, ça a été avec l'industrie textile. Ces industries ont été des industries qui ont permis une accumulation, une concentration du capital énorme, parce qu'il fallait beaucoup d'argent pour construire ces lignes. Et en même temps, bien sûr qu'on peut dire tout un tas de choses sur le chemin de fer, mais du point de vue de la lecture du capitalisme, ce qu'on peut dire, c'est qu'en Occident, entre 1850 et 1900, il se passe ce qu'on appellerait, avec des mots d'aujourd'hui, une défragmentation de l'espace. C'est-à-dire que, par exemple, en France, il existait des barrières d'octroi, des douanes au département et différents obstacles à l'établissement d'un marché national. Et en fait, grâce à l'État, grâce au chemin de fer, grâce à la construction plus tard, après 1900, des routes asphaltées, etc., on construit en même temps un territoire, mais ce territoire, parce que la société est majoritairement dominée par le capitalisme, c'est aussi un territoire qui permet l'existence d'un marché national et de marchés nationaux après. Bon. C'est aussi ça, quoi, le chemin de fer. Et c'est pas seulement ce qu'on apprend dans les livres d'histoire, c'est-à-dire pour désenclaver les campagnes, quoi. C'est-à-dire, bon, ça sert, et même au début du chemin de fer, ça servait à transporter la houille à partir des mines, quoi. Donc, on va prendre une dernière série de questions. Oui. Bonjour tout le monde, je m'appelle Souleymane. Moi, je voulais plutôt demander à l'intervenant de compléter la définition de la science. Parce que si je comprends aujourd'hui, si nous analysons un tout petit peu aujourd'hui, la science a tendance à nous prendre notre boulot, il faut pas s'en cacher. Donc on peut faire une corrélation aujourd'hui de la science, de la définition de la science avec ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'on vit aujourd'hui. La science a tendance à nous prendre notre travail, parce que si on se projette dans 20 ans, j'en suis sûr que les trois quarts des travailleurs d'aujourd'hui vont perdre leur boulot. Donc je voudrais que vous reveniez un peu sur la définition de la science, que la science ne sert pas seulement à mesurer le temps ou la vitesse, ça ne sert pas. Il faut aussi voir le côté négatif de la science que ça peut apporter, ce qui peut apporter à la perte de l'emploi, parce qu'on ne peut pas imputer aujourd'hui la primauté de l'avancement de la science par rapport à la loi El Khomri que nous vivons aujourd'hui. Moi, j'ai une inquiétude aujourd'hui, la peur qui m'amène aujourd'hui, dans 20 ans, comment je vais payer mon loyer, mes charges, tout ça. C'est ça mon inquiétude. Voilà, merci. Bonjour, vous pouvez m'entendre ? Bon, je vais essayer de parler de manière articulée parce que j'ai pas l'habitude de parler sans notes. Oui, c'est bon. Pour répondre, enfin rebondir entre ce que vient de dire monsieur et ce que vous disiez monsieur avant, et j'espère être en ligne avec ce que l'intervenant développait, il me semble que la chose dont on parle, c'est une conception très abstraite de à la fois de la science et du capitalisme en tant que modalité qui détermine notre manière de voir les choses, de nous inscrire dans le monde, mais surtout de déterminer ce qu'on appelle la vérité et aussi sans doute ce qu'on appelle les valeurs, puisqu'on on parle beaucoup des valeurs de la République, etc. Mais ça a aussi un lien avec la valeur déterminée sur le marché, il me semble. Et quand on parle de technosciences, on parle d'une manière qui est devenue prépondérante, voire hégémonique, de fixer ce qu'on appelle la vérité. Quand on fait une expérience scientifique, aujourd'hui, il me semble qu'il y a une... Comment dire, on fait un calcul prévisionnel de ce que va être le résultat. On pose une hypothèse, par exemple, je sais pas moi, l'absorption de gras chez une souris va impacter tel neurone, etc. Donc on prend des souris pour vérifier l'expérience et on aboutit à une vérité. Ce qui fait que la vérité est déterminée par quelque chose qu'on a anticipé à l'avance, un petit peu sur le mode de la spéculation, en faisant un gros raccourci. Et je me demande si le rapport entre technoscience et capitalisme se pose pas à ce niveau-là, très, très abstrait, certes, d'une détermination de nos représentations. Oui, bonjour. Moi, ce qui me surprend un petit peu, ce qui me surprend un petit peu dans ce que vous développez à juste titre, c'est toujours faire une négation des autres. C'est l'Occident. Vous avez parlé des deux génocides dans le Japon. Ça s'est passé au Japon. Et puis le génocide après 1945. Des génocides, le capitalisme a toujours connu, des génocides d'ailleurs. Ce qui me fait dire, on est toujours dans la comparaison et dans une espèce de mentalité de supériorité par rapport aux autres. Et c'est ce qui me gêne. À tel point qu'on va faire des calculs sur ce qu'a coûté en vies humaines le communisme, à quelques dizaines de millions près, mais on se cache bien d'essayer de dire ce qu'a coûté le capitalisme en vies humaines. Et je dirais que c'est nettement plus supérieur que ce qu'on peut penser. De cette idée supérieure, on fait négation et on fait toujours être le spécialiste pour parler au nom de l'islam, au nom des jeunes de banlieue, au nom des Palestiniens, c'est-à-dire on récupère une voix et on ne reconnaît pas que les autres peuvent penser, peuvent agir. Et quand on parle de philosophie, la civilisation, que j'appellerais humaine, n'est pas spécialement occidentale. Et dans cette civilisation, beaucoup d'autres civilisations ont apporté chacun un verre d'eau pour arroser l'arbre qui est aujourd'hui l'arbre de l'humanité. Voilà, donc je vous laisse. Il y a une question ? Ouais, mon dernière question, et puis après, du coup, vous pourrez conclure. Rebonjour. Au risque de me re-répéter encore une fois, le culte de la raison n'est pas réductible au capitalisme. L'erreur, à mon sens, de la modernité et de la Révolution française, c'est justement d'être passé de la sacralisation de Dieu à la sacralisation de la raison, qui a eu lieu aussi avec Staline, et Mao. Ne l'oublions pas que, lors de la Révolution française, une certaine élite a voué un culte à la déesse raison. Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Après, peut-être que entre raison et rationalité, il y a l'aspect utilité qui arrive. Enfin, il me semble que c'est ce que vous avez un petit peu. Oui, bien sûr, c'est autre chose. Raison et rationalité calculatrice, c'est autre chose. C'est-à-dire que, effectivement, moi, je suis pas un anti-rationnel, je suis pas un anti-scientifique, ni quoi que ce soit. Je veux dire, par contre, appeler, dénommer précisément. Ce qui aujourd'hui fait problème, c'est-à-dire cette rationalité calculatrice, j'ai même pas tout dit, je vais vous dire, mais loin de là, parce qu'en fait, cette rationalité calculatrice, elle est en soi transgressive. C'est-à-dire, ça transgresse même ce qui nous fait être des animaux et des êtres humains et du vivant. C'est pour ça qu'on va tout droit vers le transhumanisme, d'ailleurs. Parce que le fantasme du capitalisme, c'est le transhumanisme. Je crois que là-dessus, bon, enfin, on ne peut être d'accord. Quant à la question de, en fait, la question au fond de monsieur, c'est à juste titre, c'est la question de l'européocentrisme ou de l'ethnocentrisme qui pouvait être compris comme tel à travers mes interventions. Mais moi, je ne parlais que du capitalisme de ces deux derniers siècles. J'ai bien commencé à dire l'histoire du capitalisme depuis la fin du 18e siècle. La réponse est pour vous. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu des massacres aux Amériques avec Christophe Colomb et la découverte des Amériques. Il y a eu des massacres dans ce qu'on a appelé le commerce triangulaire et notamment en Afrique, etc. Et en partie, effectivement, l'économie qui s'est construite en Occident et notamment en Europe s'est basée sur des crimes contre l'humanité de cette époque-là aussi. Quand j'ai dit ça une fois au jardin de Pétrarque en 2009, à la suite d'une intervention de quelqu'un de la tribune, il y a eu une espèce de brouhaha dans l'Assemblée parce que je disais des choses qui dérangeaient. Ça fait aucun doute pour moi. Simplement, ce que je voulais spécifier, c'est le temps où nous sommes, c'est-à-dire ce qui s'est forgé en Occident à proprement parler, bien évidemment en allant piller les colonies, puisque c'est à la fin du 19e siècle que la colonisation a co-expansion majeure, bien évidemment qu'il y a eu ce pillage, et même c'est plus que des pillages, c'était des crimes, etc. Ça c'est sûr, mais ce qui m'importait, ce sur quoi je voulais porter la lumière, c'est qu'est-ce qui peut nous aider à comprendre ce qu'on vit aujourd'hui ? Par exemple, je peux pas développer des choses, mais pour moi, par exemple, les sociétés aujourd'hui occidentales, et quand je dis occidentales, c'est, pour moi, c'est capitaliste, en fait, hein, eh bien, elles sont aussi effondrées qu'elles l'étaient dans les années 30. Mais ce ne sont pas seulement les sociétés qui sont effondrées, les sociétés capitalistes, mais c'est aussi chacun d'entre nous. La structure psychique des individus qui composent ces sociétés effondrées est également effondrée, sans quoi on ne comprendrait pas pourquoi le nazisme a perduré pendant 12 années en Allemagne. Il faut bien qu'il y ait une adéquation entre ce qui se produisait au niveau politique, militaire, etc., et ce qui existait dans la société allemande à cette époque-là et qui passait à travers chaque individu. Et c'est pour ça que je mets l'accent sans arrêt là-dessus, je dis, notre imaginaire à nous, ce n'est pas l'imaginaire du Moyen-Âge. Il a changé, il a beaucoup évolué. Et notre imaginaire, il est aujourd'hui, l'imaginaire, ça serait comme un arbre, si vous voulez. Et le tronc de cet arbre, c'est la rationalité calculatrice et transgressive. Et ça, c'est la force aussi du capitalisme. Et c'est aussi pour ça que ça a des échos. Le capitalisme, il a des échos en nous. La science, le mode de connaissance scientifique a des échos en nous aussi, à travers la structuration de notre imaginaire. C'est ça qui fait encore tenir les sociétés occidentales capitalistes. Et ceci dit, la société chinoise et d'autres sociétés commencent à s'agréger cet imaginaire structuré par la rationalité calculatrice. Et c'est ça que moi je pointe du doigt comme un des éléments qui aujourd'hui empêche de sortir du capitalisme. Mais cet imaginaire, pour ceux qui ont vécu, par exemple, mai 68, un événement historique majeur, ou même, j'ai entendu parler des gens qui avaient vécu le CPE, qui ont vécu quelque chose qui était similaire, une des leçons de mai 68 qui est partout salie, mais il y en a d'autres leçons d'ailleurs, mais ça reste en travers de la gorge de tous les partis politiques, aussi bien de droite que de gauche. Une des leçons de mai 68, c'est que l'imaginaire, il a basculé massivement. Et qu'à ce moment-là, tout ce qui structurait la vie et même le pouvoir politique est tombé par terre. Comme un château de cartes, exactement comme l'Union soviétique en 1989 s'est effondrée comme un château de cartes. Parce que son imaginaire s'est effondré également. Et c'est ça la leçon qu'il y a à retenir, c'est que cet imaginaire structuré par la rationalité calculatrice, il soutient cet ordre social, cet ordre politique et cet ordre économique, mais il peut aussi basculer du jour au lendemain, parce que c'est nous, c'est en nous les humains que ça réside, cet imaginaire. Et ça peut basculer. C'est là l'espoir auquel on essaye de mettre fin quand le pouvoir politique voit qu'il y a des choses qui se passent ici et qu'un week-end, il y a 3 semaines, ils ont compris que ça s'installait jour et nuit ici avec des plantations, etc. Et que le soir même, ils ont tout fait déblayer parce qu'ils voulaient absolument pas qu'il y ait quelque chose qui s'installe, qui soit de changement de cet imaginaire ancien.